شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال تعالى ونيسرك لليسرى. Donc ce verset signifie et nous te faciliterons لليسرى, la voie la plus facile. Donc, après qu'Allah ait promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset d'avant sanuqri'uka fala tansa, nous te ferons réciter de sorte à ce que tu n'oublies pas, qui signifiait que Allah lui facilitera la récitation, lui enseignera la récitation et lui fera mémoriser le Coran dans cette sourate. Il lui dit une autre promesse, wa nuyassiruka lilyusra, nous te faciliterons à la voie la plus facile, c'est-à-dire nous allons te faciliter la voie du paradis. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette promesse? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam la foi et l'adoration, de sorte à ce que c'était facile pour lui. Et au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'adoration d'Allah et aimait pratiquer la religion. En aucune façon c'était une lourdeur, pour lui. Donc c'est pour ça qu'il disait par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَى وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Dans cette dunya, on m'a fait aimer le parfum et les femmes, mais قُرَّةُ عَيْنِي, le plaisir de mes yeux, c'est-à-dire c'est au-dessus du simple amour, du simple fait d'aimer, a été mis dans la salah. C'est-à-dire son plus grand plaisir, c'était de faire la salah. Vous savez également, donc le hadith qu'on répète souvent, quand venait l'adhan, parfois il disait à Bilal, radiallahu anhu, arihna biha ya Bilal, repose-nous par la prière, soulage-nous par la prière, ô Bilal. Donc, et aussi on peut en comprendre, comme c'est ce qu'on comprend un peu quand on lit les paroles de Cheikh Saadi, rahimahullah, c'est qu'Allah va le guider à la religion et aux enseignements les plus faciles. Et dans un hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, bu'istu bil hanifiyati samha. J'ai été envoyé par le monothéisme simple, samha, c'est-à-dire simple, facile. Et dans un autre hadith, il dit inna dina yusrun, la religion consiste en de la facilité et facile. Donc ça veut dire cela également, c'est que nous allons te révéler une religion qui est facile. Et effectivement, quand on étudie le fiqh, comme on le fait nous, après, on observe qu'il y a beaucoup de facilité dans la religion. Il y a beaucoup de dérogations, il y a beaucoup d'exceptions qui sont faites, de facilités qui sont données dans certaines circonstances, etc. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Le verset suivant dit فَذَكِّرْ, donc c'est l'impératif du verbe ذَكَّرَ qui veut dire rappeler quelque chose à quelqu'un. فَذَكِّرْ, donc rappel, c'est-à-dire fais le rappel. إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى, si le rappel est profitable. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie fais le rappel si le rappel est profitable, et s'il n'est pas profitable, ne le fais pas? Certains l'ont expliqué de cette façon. Ibn Kathir, c'est l'explication qu'il a choisie. Le Cheikh Saadi, c'est l'explication qu'il a choisie. Al-Uthaymin également, c'est ce qu'on en comprend quand on lit ses paroles, c'est que, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc tous les membres de sa communauté derrière lui, ont reçu l'ordre de faire tazkir, c'est-à-dire de faire le rappel. Rappeler aux gens de craindre Allah, rappeler que ceci est interdit, rappeler que ceci est obligatoire, etc. Mais il n'a fa'atil dhikra, si le rappel est profitable, si le rappel est utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de faire le rappel, il faut que tu analyses la situation et que tu regardes l'individu et la situation de l'individu. Est-ce que le rappel va être profitable à son sujet, en ce qui le concerne? Ou est-ce que ça va faire plus de mal que de bien? Donc ça, de toute façon, c'est vrai. C'est cette chose-là qui est que, avant de faire le rappel, il faut que tu t'assures que le rappel va être bénéfique. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne elle est en pleine colère, elle est à deux doigts d'insulter la religion, ou que, par exemple, la personne, déjà dans la prière, elle n'est pas au point, dans la prière à l'heure, et toi, tu veux lui parler de quelque chose qui est un peu plus... qui est interdit ou qui est simplement déconseillé, mais que peu de gens connaissent, qui est moins important que la salat. Donc forcément, le rappel, il ne va pas être bénéfique dans ce genre de cas. Et il peut même avoir un effet inverse. Donc ça, c'est vrai, dans tous les cas. Maintenant, le problème, c'est est-ce que réellement, c'est ce que signifie le verset? voyez ce que je veux dire? Parfois, il arrive dans le tafsir que une chose est vraie. Mais est-ce que pour autant, parce qu'elle est vraie, c'est ça que veut dire le verset? Ça, c'est autre chose. Ça relève du domaine du tafsir. Donc là, par exemple, le fait de dire que on fait le rappel si le rappel est profitable, et si on craint que le rappel soit négatif et un effet négatif, on s'abstient de le faire. Ça, de toute façon, c'est vrai. Maintenant, est-ce que le verset veut dire ça? Ça, c'est une autre question. En apparence, quand on le lit, on en comprend ça. Fadhakkir in nafa'atil dhikra. Fais le rappel si le rappel est profitable. Donc, est-ce que ça veut dire que sinon on ne fait pas le rappel? Bien, oui, dans le sens où, si on craint, selon des hadiths, selon des éléments, que le rappel soit négatif, que le rappel ait des mauvaises conséquences. Donc, ce n'est pas un verset comment on dit? Quand tu n'es plus obligé de faire quelque chose, comme à l'armée, qui te dispense, c'est pas un verset qui dispense au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel, mais simplement il met une condition. On pourrait dire, mais alors on ne peut pas savoir à l'avance. Ben si, tu peux savoir à l'avance selon l'individu, selon sa situation, selon son état, etc. etc. Et d'autres disent que le verset signifie en fait, Fadhakkir, fais le rappel. Inna fa'atid dhikra, si le rappel est profitable, c'est-à-dire ça veut bien dire si le rappel est profitable, mais qu'il ne faut pas en comprendre une condition, et qu'en fait il faut faire le rappel quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que le verset ne veut pas dire ce qu'on vient d'expliquer. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on vient d'expliquer c'est faux? Non, c'est vrai, mais pour eux le verset ne veut pas dire ça, c'est ça la différence. Et qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait de toute façon faire le rappel à tout le monde, que ce soit ceux aux pauvres, aux gens modestes. Donc, généralement, on sait que c'est eux qui vont accepter, c'est-à-dire à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme à Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughira, Ubay ibn Khalaf, Umayyad ibn Khalaf, c'est-à-dire les gens méchants, entre guillemets, les riches dont on pouvait fortement penser qu'ils n'allaient pas accepter. Dans tous les cas, ils devaient leur faire le rappel. Et certains ont même dit « in » ici signifie « ma ».« Fadhakkir » et le sens après c'est « ma nafa'atil dhikra ». Fait le rappel, mais le rappel n'a pas été profitable. C'est-à-dire que pour certaines personnes, tu auras beau faire le rappel ne sera pas profitable à leur sujet. C'est un peu comme dans beaucoup d'autres versets. Où Allah dit, Innal ladhina kafaru, sawa'un alayhim, a'anvartahum, amlam tumvirhum, la yu'minun. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, donc là ça s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minun, ils ne croiront pas. Donc, c'est une sorte de consolation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Allah lui ordonne de faire le rappel, de transmettre, mais il le prévient à l'avance. Pour certaines personnes, de toute façon, tu auras beau leur transmettre, tu auras beau leur rappeler, ça ne servira à rien. C'est pour le préparer à l'avance. Donc là, c'est pour le sens du verset. Maintenant, dans notre application quotidienne, qu'est-ce qu'on va retenir au niveau du verset? On retient surtout cette leçon qui est de. Avant de parler à quelqu'un, avant de le conseiller, il faut faire un pas en arrière et analyser la situation. Est-ce que ça va encore pas encore plus le rendre rebelle? Est-ce que ça ne va pas l'amener à insulter la religion, etc. Il faut prendre des pincettes et analyser la situation avant de le conseiller, d'ordonner ou d'interdire. Fadhakkir in nafa'atil dhikra. Et ensuite, Allah a montré que les gens, vis-à-vis du dhikra, du rappel, sont en deux catégories. Sayadzakkaru man yakhsha. Le verset d'après donc dit Sayadzakkaru man yakhsha. Se rappellera celui qui craint. C'est-à-dire que pour ceux qui ont la crainte d'Allah, qui ne font pas preuve d'orgueil contre Allah, qui font preuve de modestie envers Allah et qui ont peur de lui, parce qu'ils reconnaissent sa force et sa supériorité, ceux-là sont ceux qui vont Yatadzakkar ou Yadzakkaru. C'est-à-dire qu'il va accepter le rappel et qu'il va sortir de son insouciance et accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit et lui rappelle. Et ça, c'est vrai jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que celui qui a de la crainte en son cœur, eh bien, c'est celui-là à qui le rappel va profiter. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Yatajannabu, ça vient de al-jannab, c'est-à-dire Il se met lui dans un djenb et le rappelle dans un djenb. Yatajannab, c'est-à-dire s'écarter de quelque chose. Yatajannabuha, c'est quoi le ha? Ça revient à quel mot? Al-dhikra. Yatajannabuha, al-ashqa. Donc qui va s'écarter? Tu rappelles, al-ashqa. Al-ashqa, c'est le ismu tafdil de al-shaqi. Shaqi, ça veut dire le malheureux. Al-shaqawa, c'est le malheur. Et on trouve dans le Coran que Allah dit فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Et à propos de ceux qui seront au paradis, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا. Donc Allah a mis en opposition الْأَشْقِيَا, les malheureux, وَالسُعَدَا, les bienheureux. C'est ainsi qu'Allah a désigné, et dans les paroles des savants, ça revient souvent. Le fait de désigner ceux qui iront au paradis par السُعَدَا, les bienheureux, et ceux qui auront en enfer par الْأَشْقِيَا, c'est-à-dire les malheureux. Donc là, Allah n'a pas dit al-shaqi, il a dit al-ashqa, le plus malheureux. Donc al-ashqa, ce n'est pas un individu. Ça englobe, en fait, c'est un wasf, une caractéristique qui s'applique à toute personne qui sera destinée à l'enfer. Pourquoi al-ashqa, au lieu de simplement al-shaqi? Parce que c'est ça le grand malheur. Le grand malheur, c'est ça, c'est de ne pas accepter le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc ensuite d'être destiné à l'enfer. Parce que ash-shaqi, il y a plein de shaqi. Mais l'ashqa, qu'est-ce que c'est l'ashqa? L'ashqa, le vrai malheur et le grand malheureux, c'est celui qui est destiné à l'enfer. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra. Celui qui brûlera, yasla, c'est-à-dire qui brûlera an-nara al-kubra, dans le plus grand feu. Pourquoi Allah l'a appelé an-nara al-kubra? Parce que comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ma'na al-hadith, naru dunya, le feu d'ici-bas, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Le feu d'ici-bas représente un 70e du feu de l'enfer. Donc nous on connaît le feu d'ici-bas, mais le feu de l'enfer c'est un naru kubra, c'est le grand feu. Kubra qui est le féminin de al-akbar. Un naru kubra. Thumma la yamutu fiha. Voilà, Yahya. Puis, il n'y vivra pas et n'y mourra pas. L'être humain, forcément, soit il vit, soit il meurt. Donc, que signifie il n'y mourra pas et n'y vivra pas? C'est-à-dire que ni son existence en enfer, on ne peut pas la qualifier de vie, tellement elle sera humiliante et tellement elle sera malheureuse. Ce n'est pas une vraie vie. Parce qu'il ne parle pas avec les gens, il ne se nourrit pas, si ce n'est d'une nourriture qui va le faire souffrir, etc. Ce n'est pas une vraie vie. Mais en même temps, il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il ressent. Et il ressent la souffrance et le châtiment. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Ensuite, Allah dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. قَدْ أَفْلَحَ, a réussi. مَنْ تَزَكَّى. مَنْ ici, c'est comme الَّذِي. مَنْ تَزَكَّى, c'est-à-dire celui qui se purifie. A réussi celui qui se purifie. Purifie de quoi? C'est-à-dire qu'Allah nous montre que le chemin de Al-Falah, de la réussite, c'est Tazkiyah, Tazkiyatun Nafs. C'est-à-dire le fait de purifier sa personne. Qad aflaha man tazakka. Aura réussi celui qui se purifie. Purifie de tout ce qui est négatif et tout ce qui est contraire à la religion. C'est-à-dire, si on doit résumer de quoi l'être humain doit se purifier, des péchés mineurs et majeurs, des choubourettes, c'est-à-dire les fausses idées, donc les shahawettes et les choubourettes. Et les choubourettes, ça englobe bien le kufr, s'il a des croyances qui relèvent du kufr, s'il a des croyances qui relèvent également du shirk, il doit se purifier du shirk, purifier du shirk dans toutes ses formes, le shirk mineur, le shirk majeur, comme l'ostentation par exemple, ou la superstition, ou le fait de croire aux voyants. Il faut se purifier de ce genre de shirk. Il faut purifier également des bid'ah, c'est-à-dire des innovations, les thèses, les croyances ou les idées qui sont contraires à la sunna du prophète, à l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Et tazakka, c'est aussi, et on peut dire même aussi et surtout, se purifier des maladies du cœur, comme l'orgueil, comme la jalousie, etc., la rancœur, la rancune, la haine envers les musulmans, etc., etc. Et dans un hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, At-tuhuru shatrul iman. La purification, c'est la moitié de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, elle consiste en deux choses. C'est comme si, imaginons que tu as un verre rempli de saleté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une bonne situation? Il faut d'abord le vider, et après il faut le remplir avec de l'eau pure. Donc la foi, c'est la même chose. Il a dit, la purification, c'est la moitié de la foi. Une moitié consiste à se purifier et une moitié consiste à, on appelle ça, à se parer, à s'embellir, à acquérir les bonnes choses. C'est-à-dire à faire, par exemple, la salat, à faire l'oudou, à payer la zakat et à acquérir le bon comportement qu'au départ tu n'as pas. C'est-à-dire qu'on a tous des comportements innés et d'autres, il faut les acquérir. Qad aflaha man tazakka. Donc a réussi celui qui se purifie et qui mentionne le nom de son Seigneur. Donc ça montre que pour avoir al-falah, il faut avoir comme qualité al-dhikr. C'est-à-dire qu'il faut avoir comme qualité al-dhikr. Il faut être marqué par al-dhikr. Et pour être marqué par al-dhikr, c'est-à-dire pour rentrer dans ce que Allah a appelé wa-dhakirun Allah kathira, ben il faut notamment faire les 5 salawat à l'heure. Certains tabi'in disaient: ceux qui mentionnent beaucoup Allah, c'est ceux qui font les 5 prières. Dans un hadith, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui réveille sa femme pour qu'elle fasse deux rak'ah avec lui la nuit, ou la femme, quand elle réveille son homme pour faire deux rak'ah avec elle la nuit, kutiba min al-dhakirin Allah kathira. Allah les écrit parmi ceux qui mentionnent beaucoup Allah. D'autres savants disent également: c'est le fait de faire les invocations qui sont prescrites aux différentes circonstances. Abdullah ibn Abbas, il disait: celui qui fait le dhikr en marchant, en se couchant, en s'asseyant, quand il est debout, c'est-à-dire dans toutes ces situations, celui-là, il fait partie de al-dhakirin Allah kathira. Donc, qad aflaha man, Allah a cité pour al-falah ici trois caractéristiques. Qad aflaha, a réussi, man tazakka, celui qui se purifie, wa dhakara asma rabbihi, qui mentionne le nom de son Seigneur, fasalla, puis fait la salat. C'est-à-dire qui accomplit la prière obligatoire et surérogatoire telle qu'Allah l'a prescrit. Quand on regarde le tafsir des anciens ici, certains ont dit tazakka wa dhakara asma rabbihi fasalla, c'est-à-dire il paye zakat al-fitr puis il fait salat al-eid. D'autres ont dit c'est il se purifie et il fait la salat al-fajr quand il est au hajj, du jour de l'Aïd, du jour du sacrifice. Mais il faut comprendre que Salafus Salih, quand ils expliquent les versets, en aucun cas ils veulent te dire le verset ne veut dire que ça. En fait, ils te donnent un exemple. C'est-à-dire, tout ça, tu peux le rentrer dans le verset. Parce qu'effectivement, quand on regarde le verset, se purifier, mentionner le nom d'Allah et prier, ça fait penser à quoi? Quand on fait le wudu, on dit Bismillah et on mentionne le nom d'Allah, pardon, et on prie. Donc, et ça rentre dans le verset, il n'y a pas de problème. Mais comme le dit l'imam al-Tabari, le verset, il est général. Le verset, il ne dit pas salat al-Aïd, etc. Il est général. Donc ça englobe tout ce qui peut rentrer dedans. Toute tazkiya, tout zikr et toute salat. Donc si tu lis d'un tabi'i ou d'un sahabi qui l'a dit, ça veut dire zakat al-fitr, etc. C'est pas faux en fait. Parce qu'il faisait al-tafsir bil-mithal. Il faisait le tafsir par des exemples. Et il ne voulait pas dire par là que le verset ne veut dire que ça. Ensuite Allah a dit inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. J'ai pas oublié le verset. Wa dhakara asma rabbihi fa salla bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Mais vous préférez la vie d'ici-bas. C'est-à-dire au lieu de vous purifier, de mentionner Allah et de prier, la plupart d'entre vous préférez la vie d'ici-bas et vous lui donnez priorité à l'au-delà. Et ensuite Allah conclut en disant inna hadha la fi suhufi ula, certes ceci se trouve dans les premières suhuf. Suhuf, c'est-à-dire les feuillets. De quel feuillet ça parle? Suhufi Ibrahim wa Musa, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Donc on en comprend qu'Ibrahim a également reçu un livre dont on ne connaît pas le nom, simplement Allah l'a appelé suhuf, les feuillets d'Ibrahim. Donc ça, à quoi ça renvoie ce hadha, inna hadha La fi suhufi l'oula. Ceci se trouve dans les premières feuilles. Ben, l'imam al-Tabari, rahimahullah, il dit, ben, tout ce qui précède, toute l'exhortation qui précède, c'est-à-dire à partir de qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla, pas les versets d'avant, parce que les versets d'avant, ils s'adressent à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous te ferons réciter, nous allons te faciliter la voie la plus facile. Donc à partir de l'exhortation qui est qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Inna hadha la fi as-suhufi al-ula. Cette exhortation et ces paroles étaient déjà présentes dans les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. C'est-à-dire que tous les prophètes ont, c'est l'exhortation qui revient dans le message de tous les prophètes. On passe au fiqh. Donc d'abord, on va réviser un petit peu. Donc le chapitre qu'on est en train de faire, comment ça s'intitule? La purification, en arabe on dit Tahara. On peut dire aussi Et-Tohu, pour la parenthèse. Pas Et-Tahu, Et-Tohu, avec une dhamma. Et-Tahara. Donc quand on parle de Tahara, c'est se purifier de quoi? Deux choses. Il y a deux domaines dans Tahara. Al-Tahara Tumin, se purifier de Hadath. Al-Hadath, c'est quoi le Hadath? Comment? L'état d'impureté. Voilà, c'est l'état d'impureté. C'est pas quelque chose qui se voit. Par exemple, quelqu'un il a été aux toilettes, là il est marqué par ce qu'on appelle Al-Hadath. Il est Muhdith. C'est le contraire de Tahir, le contraire de Mutawaddi. Il n'est pas en état de pureté, il est né en état de Hadath. Il ne peut pas faire Salah. Tant qu'il ne fait pas Tahara. Donc, Tahara tu min al-Hadath, comment elle peut être? De trois sortes. Ça peut être l'Oudou, les ablutions, ça peut être Al-Rusl, c'est la grande Tahara, Tahara tu kubra, et ça peut être celui qui remplace l'un des deux. Al-Tayammum, Al-Badal. Donc, on a Tahara tu sughra, la petite purification qui est l'Oudou, Tahara tu kubra, la grande purification qui est Al-Rusl, le lavage complet, et Al-Badal, celui qui va remplacer l'un des deux en cas de, avec les conditions qu'on verra plus tard, qu'on appelle Al-Tayammum. L'autre domaine de Tahara, qu'est-ce que c'est? Al-Tahara tu min al-Khabath. Al-Khabath, on peut l'appeler aussi comment? Najasatun, Al-Najasa, ou Al-Najas. Et quand un vêtement il porte la pureté, on dit qu'il est Najis, ou alors Mutanajis. Pas wasir, parce que wasir c'est sale. On avait expliqué que nous on parle pas des saletés. On parle des impuretés dans le cadre de la religion. Donc ça c'est important c'est important de le comprendre. Bon, on va pas s'étaler dessus. Quand on sera au chapitre des impuretés, on expliquera. Donc at-tahara min al-hadath. Wudu, ghusl. Et si ça marche, si on peut pas, tayammum. At-tahara tu min al-khabath. Et tahara tu min al-khabath, elle peut se faire comment? Là, le lavage, c'est, comment on dit, al-rasl, pas le rousse, al-rasl. Si on essuie, al-mas. Et si on met de l'eau comme ça, sans laver, al-nadh. C'est bien. Ensuite, on avait vu al-miyah, les eaux. Et on avait vu que al-miyah, elles sont de trois sortes. Donc la première, on l'appelle comment? L'eau qui est pure et purifiante. Tahour. Al-ma ou taro, donc on avait dit tout simplement c'est l'eau telle qu'elle est. L'eau telle qu'elle est. Donc après on avait vu que l'eau elle peut changer au contact de quelque chose de pur ou au contact de quelque chose d'impur. Donc si elle change par quelque chose de pur, qui c'est qui me fait l'explication? Comment? L'eau de la mer, non? Faut pas hésiter, hein, allez-y, il n'y a pas de honte. Et pour réviser ça, c'est le plus important. S'il y a un mélange d'impureté, de pureté, ouais, c'est-à-dire si ça reste de l'eau ou autre chose. Voilà. Si l'eau entre en contact avec quelque chose de pur, par exemple, du café qui tombe dans l'eau, de la farine qui tombe dans l'eau, etc., etc., n'importe quoi, de la peinture, de l'encre, jusqu'à quand je peux l'appeler de l'eau? Si, en fait, jusqu'à quand, jusqu'à quel, force elle a changé, à quelle intensité elle a changé. Si elle change peu, ça reste de l'eau, je peux l'utiliser, même si sa couleur a changé, même si son odeur a changé, même si son goût a changé. Par contre, si elle change beaucoup au point où je ne peux plus l'appeler de l'eau, ça devient du café, ça devient du thé, ça devient de la soupe, ça devient de la sauce, etc. Là, je ne peux plus faire l'eau avec. Donc là, on l'appelle tahir, pur, mais pas taho. Et en vérité, ça ne s'appelle plus de l'eau. Quand on dit l'eau se divise en trois sortes, en vérité, il y a une des sortes, c'est plus de l'eau, en fait. Et sur ça, Inch'Allah, si vous progressez, vous lisez, un jour vous découvrirez tout plein de discussions sur ça, entre les savants, sur ce sujet-là. Maintenant, c'est quel sujet dans Al-Ma'ut Tahir sur lequel il n'y a pas de discussion? Parce qu'il faut toujours qu'on fasse la différence entre les points où il y a l'Ijma' et les points où il y a de la discussion. Pas que l'eau de mer, on avait dit, on avait donné un critère. Là où on ne peut pas intervenir pour protéger l'eau. C'est ouais, en gros c'est ça. On dit en arabe ma yashuqu sawnul ma'i anhu. Ce dont il est trop difficile de protéger l'eau. On avait donné quoi comme exemple? La mer. Le sel de la mer. Tu peux pas enlever le sel. Tu peux pas empêcher le sel de la mer de changer l'eau de la mer. Les algues, les nénuphars, les feuilles des arbres qui tombent dans les grandes mares qu'il y a dans les forêts, la terre qui est en dessous qui va lui donner un aspect marron, tout ça tu peux pas en protéger l'eau, ça il y a l'ijmar dessus. Que même si ça change beaucoup, ça reste de l'eau et ça reste tahour. C'est pas tahir, c'est tahour. Et enfin, la troisième c'était al-ma'u an-najis, l'eau impure. Qu'est-ce que c'est l'eau impure? C'est facile, c'est l'eau qui a été altéré par quelque chose de d'impur. Qui a été altéré, c'est-à-dire, c'est quoi qui a altéré? L'odeur. L'odeur. L'odeur. Ou le goût ou la couleur. Un des trois suffit. Donc, un exemple, du sang tombe dans de l'eau, on voit le rouge dans l'eau, c'est terminé. L'eau, elle est najis. De l'urine est en contact avec de l'eau, on voit un peu de jaune, ou on sent une odeur, l'eau, elle est najis, etc., etc. Donc on continue. En dessous de la troisième qualité, là, vous voyez qu'il met des points. En français, il y a des points, en arabe, c'est des tirés. Là, en fait, c'est des informations en plus. C'est des choses à savoir en plus au sujet de l'eau. Et c'est intéressant. Donc il dit, dans le premier, « Yatrurul ma'u » Donc pour ceux qui lisent l'arabe, lisez bien comme on dit « Yatrurul » « Yatrurul » ça veut dire « il devient tahir »« Yatrurul ma'u » L'eau devient pure « Yatrurul ma'u najisu » En fait, là, il nous explique « Est-ce que l'eau impure, elle peut redevenir pure ?» Il dit « Yatrurul ma'u najisu » L'eau impure devient pure, donc elle, c'est possible. Bah, en fait, c'est simple. C'est quoi le critère de l'eau impure? C'est le changement. L'eau à la base elle est pure, si elle change par quelque chose d'impur, elle devient elle-même impure. Donc c'est quoi le critère? C'est le changement. On appelle ça en arabe « tarayur ». Donc si ce tarayur disparaît, c'est-à-dire que l'eau elle redevient comme à la base, elle redevient pure. C'est pour ça que l'eau recyclée, on peut faire l'eau d'eau avec, sinon on ne pourrait pas. Pourquoi on peut faire l'eau d'eau avec l'eau qu'il y a dans le robinet alors qu'à la base il y a je ne sais pas quoi dedans? Ah, parce que on la traite de sorte à lui faire perdre l'odeur, le goût et la couleur de l'impureté. Donc elle redevient pure. Donc il dit Yatrurul ma'u najisu bizawalihi tarayurihi. Bon là, bizawalihi c'est une faute, c'est bizawali, il n'y a pas de hi. Bizawali tarayurihi. Donc l'eau impure redevient pure avec la disparition de son changement, de son altération. C'est-à-dire s'il n'y a plus d'altération, elle est redevenue pure. Binefsihi, toute seule, c'est-à-dire l'eau toute seule, elle redevient transparente, sans goût, sans odeur. Au binazhihi, nazh, c'est quand on enlève. Par exemple, si on parle d'un puits, un nazh, ça veut dire de vider le puits. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Imaginons qu'on a un grand récipient avec de l'eau, elle est devenue impure, puis en enlevant une partie, elle redevient pure. Parce que, par exemple, la pureté, elle est dans un endroit bien précis, etc. Bref, ce qu'on retient, c'est que si l'altération disparaît, l'eau redevient pure. Ou idafati ma'in ilayhi. Ou si on lui rajoute de l'eau. On rajoute tellement d'eau que l'altération elle disparaît. Ou yazulu anhu at-taghayyur. Wa yazulu anhu at-taghayyur. Il répète à la fin et quand le changement disparaît. C'est-à-dire dans tous ces cas-là, il faut que l'altération disparaisse. Bon, ça va, c'est facile à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit en dessous ? Idha shakka al-muslimu. Là, il parle du doute. Il dit quand le musulman doute. Shakka. Il faut savoir qu'on a 3 degrés. À chaque, ça s'appelle le doute. C'est quoi le doute ? Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de l'eau. J'ai de l'eau devant moi. Je ne sais pas si elle est pure ou si elle est impure. J'en sais rien du tout. C'est-à-dire que c'est 50-50. Ni je penche vers le fait qu'elle est pure, ni vers le fait qu'elle est impure, j'en sais rien. L'autre, c'est Avon. Le degré supérieur, ça s'appelle Avon. Avon, qu'est-ce que c'est ? J'ai de l'eau devant moi, il s'est passé quelque chose, mais à 80%, je pense qu'elle est impure. Ça s'appelle Avon. C'est plus Shek. Shek, c'est quand c'est 50-50, tu ne sais pas du tout. Et quand je suis sûr qu'elle est pure ou qu'elle est impure, comment ça s'appelle ? Al-Yaqin. La certitude. Et bien sûr, il est important de rappeler que l'état de base, c'est quoi ? C'est la pureté. Tant que j'ai pas de quelque chose qui me dit le contraire, l'eau, elle est pure. Donc après, je peux arriver au shak. Shak, c'est le doute. Donc, il va shak al muslim. Quand le musulman doute, fi najasati ma'in aw taharatihi. Quant à l'impureté de l'eau ou à la pureté de l'eau. Bana ala al-yaqin. Il se bana, ça veut dire il construit. En fait, ça veut dire il se base à al-yaqin, sur la certitude. Wahua, et ceci signifie, al-yaqin, qu'est-ce que c'est ? Anna al-asla fil ashiya'i at-tahara. C'est que la base dans les choses, toutes les matières, leur état de base originel, qu'est-ce que c'est ? At-tahara. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est une règle. Al-aslu fil ashiya'i at-tahara. Quand tu comprends ça, tu souffles un grand coup et t'es soulagé dans ta religion. Pourquoi ? Ça veut dire deux choses. La première, c'est sur le statut des choses. Est-ce qu'elles sont pures ou est-ce qu'elles sont impures ? Parce que après, on va voir qu'il y a plein de choses dont on discute. Le porc, le chien, les animaux sauvages, le sang. Est-ce que c'est pur ou est-ce que c'est impur ? Eh bien, avant de regarder dans les preuves religieuses, on part du principe que c'est pur. Et il faut nous prouver le contraire. Comprenez ? C'est-à-dire que n'importe quelle matière qui existe sur Terre, pour que je dise qu'elle est impure, il faut que ce soit prouvé dans la religion. C'est pas le contraire. C'est pas qu'elle est impure, et il faut qu'il y ait un verset du Coran qui me dise non, elle est pure. Non, c'est le contraire. Tant que je trouve pas sur n'importe quelle matière, n'importe quelle chose, n'importe quel animal, tant que j'ai pas quelque chose dans la religion qui me dit clairement. Donc quelque chose dans la religion, ça veut dire quoi quelque chose dans la religion ? Il n'y a pas 36 trucs. C'est le Coran, la Sunna et l'Ijma, le consensus. Et l'Ijma, ça veut dire aussi les paroles des Sahaba, tout ça, tout ça. Eh bien, la chose, elle reste pure. Et on va dire qu'elle est pure. Donc ça, ça aide. Quand les savants divergent sur une chose, est-ce qu'elle est pure ou pas, on va toujours s'aider de cette base. Donc ça, c'est sur le statut des choses. Et c'est vrai aussi dans les situations de la vie. Donc là, par exemple, j'ai une eau devant moi. Et par rapport à sa couleur, son goût, quoi que ce soit, j'ai un doute. Est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle est impure ? Tant que je n'ai pas une preuve qui me dit qu'elle est impure, c'est qu'elle est pure. C'est comme ça la base. Mais de toute façon, comme on a dit que l'eau impure, c'est l'eau qui a été altérée au niveau de son goût, de sa couleur ou de son odeur par la pureté, cette situation, on ne va pas vraiment la rencontrer. Parce qu'il suffit de regarder ou de la sentir pour voir qu'elle est impure. Mais en admettant que ce soit possible, c'est-à-dire que par exemple il y a une impureté dont la couleur peut, tu ne sais pas est-ce que c'est un truc pur qui est tombé dedans ou un truc impur, elle a changé de couleur et la base c'est que c'est pur. Donc la base c'est pas de se dire par précaution j'évite, non. La base c'est que tant que j'ai rien qui me dit le contraire, l'eau elle est pure, j'utilise, je la bois, je fais l'eau d'eau avec, etc. etc. Sur quoi c'est basé ça ? Il y a beaucoup de preuves. Et notamment le hadith qui est bien connu, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que quand quelqu'un il ressent quelque chose dans son ventre dans la salah, il ne doit pas sortir de la prière tant qu'il ne sent pas une odeur ou n'entend pas le bruit du gaz. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que quand tu es dans la prière, parfois tu peux avoir un gaz et tu le sens clairement. Bon bah si tu le sens clairement, on te dit pas attends tant que t'as pas senti l'odeur. Non non, si tu le sens clairement, tu pars. Mais des fois, ça arrive que tu sais pas. Shaitan il joue avec, comme il dit le hadith, bimaqa idi bani adam. Si tu sais pas, il faut que tu aies une preuve sûre. Et la preuve sûre, qu'est-ce que c'est? C'est que tu sentes l'odeur ou que tu as entendu le son. Donc ça, en fait, c'est pas vrai que pour la prière. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, en fait, il nous a montré une règle générale, qui est que on se base toujours sur l'état de base. Et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui nous prouve le contraire, on reste sur l'état de base. Ensuite, il dit, إِذَا اشْتَبَهَ مَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ. إِذَا اشْتَبَهَ, اشْتَبَهَ, ça veut dire quoi? Quand ça se confond, on ne sait pas, ça se ressemble et on ne sait plus. مَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِمَا لَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ. Quand on confond, on ne sait pas distinguer entre quelque chose, ça, en fait il veut dire par là, l'eau bien sûr, entre une eau par laquelle on peut se purifier et une eau par laquelle on ne peut pas se purifier, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que j'ai deux bouteilles d'eau devant moi et je sais qu'il y en a une qui est pure, l'autre elle est impure. Bien sûr, vous allez me dire, eh ben, c'est quoi tes questions de fou là? Ça n'arrive jamais ça. Oui, c'est vrai, des fois les fuqaha, ils font des masaïl, ça te paraît bizarre. Mais en fait, ces masaïl, elles t'aident à plein de choses qui vont t'arriver. Donc imaginons, même si tu vas me dire, bah, ça m'est jamais arrivé, imaginons, tu as une bouteille devant toi et une autre. Et tu sais qu'il y en a une des deux qui est pure et une des deux qui est najis. Mais il se trouve que là, tu n'as pas le moyen de distinguer. Parce que par exemple, l'eau qui est pure, elle est changée également, elle a un goût également. Mais c'est pas, même si le goût est mauvais, l'odeur est mauvaise, mais c'est pas une impureté qui l'a changée. Ça, comment ça serait possible par exemple? Une eau, elle a été changée par du crottin de chèvre. Et une eau, elle a été changée par de l'excrément d'un animal, d'un être humain par exemple. Le changement, il est le même. Celle qui a été changée par du crottin de chèvre, c'est quoi son statut? Elle est pure. Le crottin de chèvre, c'est pur dans l'islam. S'il tombe dans l'eau, il change l'eau. L'eau, tu fais l'eau d'eau avec. C'est sale. Il n'y a pas de problème, c'est sale. Mais c'est pas impur. Il faut faire la différence entre les deux. Tu as ces deux bouteilles devant toi. Tu ne sais pas laquelle est pure et laquelle est impure. Là, on ne peut pas te dire, il n'y a pas de base là. Là, tu ne peux pas te dire, la base, c'est que. Il n'y a pas de base. Là, tu ne sais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tarakahuma wa tayammam. Il laisse les deux bouteilles et il fait le tayammum. Question. Allah nous a dit dans le Coran, falam tajidu ma'an, fa tayammum. Si vous ne trouvez pas d'eau, faites le tayammum. Là, j'ai de l'eau devant moi. Alors, comment je peux faire le tayammum? Ben, j'ai de l'eau, mais c'est comme si j'ai un puits et j'ai pas de seau du tout pour ramener l'eau. L'eau, certes, elle est là, mais j'ai pas le moyen de l'utiliser. Pourquoi ici? À cause du doute. Donc j'ai le droit de faire le tayammum. Sa présence est comme son absence. Donc je laisse l'eau et je fais le tayammum, en admettant que j'ai que ces deux bouteilles, bien sûr. Ensuite il dit, et là le cheikh il a commis une erreur qu'on va voir, il a dit, إِذَا اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ. Si on confond des vêtements purs avec des vêtements impurs ou interdits. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Encore une fois, c'est des questions un peu, ça va vous sembler bizarre. Mais dans le fiqh, c'est comme ça. C'est des questions qu'on peut croire bizarres, mais ça aide à comprendre et ça aide à des choses qui vont arriver. J'ai 5 vêtements. C'est-à-dire que j'ai rien d'autre pour me couvrir. Par exemple, j'ai 5 qamis, c'est la seule chose que j'ai pour couvrir ma aura pour faire la prière. Dans les 5, je sais qu'il y en a 3 qui sont impurs. Comment ils peuvent être impurs? Bah, par exemple, ils sont faits en soie. Non, la soie, c'est pas impur. La soie, c'est pur. C'est haram, mais c'est pas impur. Ou alors en soie, parce que là, il a dit impur ou haram. Donc, j'en ai 3 qui sont en soie, ou alors qui sont d'un cuir qui vient d'un animal impur. Et puis, j'en ai 2 qui sont purs. Mais je peux pas les distinguer. Donc, j'ai 5 qamis devant moi. C'est les seules choses que j'ai pour me couvrir. Je sais que dedans, il y en a 3 qui sont impurs et 2 qui sont purs. Et je ne peux pas les distinguer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que bien sûr, je n'ai pas le droit de prier avec un vêtement qui est najis. on verra dans les conditions de la prière, il faut couvrir ta nudité et en plus il faut que ton vêtement soit pur. S'il est najis, ta prière elle n'est pas acceptée. Donc là, comment je fais? Je ne sais pas c'est lequel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit bana ala al-yaqin, il se base sur la certitude. Wa salla salatan wahidatan. Là, c'est une erreur flagrante qu'il a fait le cheikh ici. Il a dit il se base sur la certitude et il fait qu'une seule prière. C'est-à-dire, il choisit un qamis et il fait. Mais ça ne veut rien dire. Quelle certitude? Il n'y a pas de certitude ici. Voilà. Donc en fait, il faut enlever. Regarde, en fait, il y a deux possibilités, je vais vous expliquer. On prend le début de la phrase quand il a dit bana ala al-yaqin. Il se base sur la certitude. Dans notre exemple à nous, vous savez ce que c'est, vous basez sur la certitude? C'est de faire quatre prières dans quatre qamis différents. Pourquoi? Parce qu'il y en a trois qui sont impurs. Donc je prends le premier, je prie avec. Par exemple, je dois faire dhuhr, je fais dhuhr. Je prends le deuxième, je fais dhuhr. Je prends le troisième, je fais dhuhr. Je prends le quatrième, je fais dhuhr. Là, je suis sûr d'avoir prié avec au moins un qamis qui est pur. Donc si on prend le début de sa phrase, bana ala al-yaqin, il ne faut pas mettre à la fin, wa salla salatan wahidatan. C'est faux ce qu'il a dit. Il a dit, et, donc on dit bana ala al-yaqin, wa salla fi بعدد النجس وزاد واحدة. Il prie un nombre de prières équivalent au nombre de qamis impurs et rajoute une prière. C'est le madhab. Le madhab Hanbali, il dit ça. Il dit, si tu as 50 qamis impurs, pur impur, tu sais pas. Tu sais qu'il y en a 30 qui sont impurs, tu pries 31 salat. Et si on dit, on regarde la fin de la phrase, salla salatan wahida. Si on veut qu'il prie qu'une seule prière, on ne peut pas dire bana ala al-yaqin. Il se base sur la certitude. Il n'y a aucune certitude là. On remplace la phrase bana ala al-yaqin par taharra. Taharra, ça veut dire quoi taharra? Par exemple, dans les deux bouteilles là, j'essaye quand même de savoir. J'essaye, je fais tout mon possible. Je change, je regarde. Puis à la fin, je dis bon, je choisis celle-là. Ça s'appelle taharra. Tu fais du mieux que tu peux. Tu cherches à savoir. Donc, dans mes cinq qamis, j'essaye quand même de regarder, puis à la fin, j'en choisis un, au mieux que je peux, j'en choisis un, et là, qu'est-ce que je fais? Je fais qu'une seule salat. Ça, c'est un autre avis de l'imam Ahmed, et c'est le plus simple et c'est le plus logique en vérité. Mais, il faut changer le début de la phrase. Tu ne peux pas dire bana ala al-yaqin wa salla salatan wahida. Donc vous retenez, taharra, il fait du mieux qu'il peut, il en choisit un, et il fait une seule prière. Parce que la yukallifullah nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à une personne que ce qu'elle peut faire. Et donc si tu as 5, tu sais pas, c'est tout. Tu sais pas, tu fais ce que tu peux. Est-ce qu'on peut faire pareil pour le dans ce cas-là, ça veut dire on va faire si tu as plusieurs bouteilles non. De bouteilles. Non, parce que là tu vas pourquoi tu peux pas? Parce que déjà tu n'as pas le droit de faire l'eau avec une eau qui est najis, et là forcément tu vas le faire. Alors que la salade, c'est moins grave, parce que le vêtement, il est sur toi. Mais là, l'eau, elle va passer sur toi, etc. Et également, la deuxième chose, c'est parce qu'ils disent, tu vas prier avec une tahara qui est douteuse. Alors que tu dois avoir la certitude. Chaque wudu, il est douteux. Donc, tu ne peux pas. Par contre, par exemple, ils disent, si tu as de l'eau qui est tahir et de l'eau qui est tahur, là, ils disent, en fait, tu fais un wudu où tu prends une poignée de celle-ci, une poignée de celle-là. Comme ça, tu es sûr d'avoir fait le wudu avec une eau qui est bonne. Mais de toute façon, être tahir, on a dit, c'est plus de l'eau. Donc, tel qu'on l'a expliqué, nous, on ne va pas tomber face à ce genre de cas. Pourquoi? Parce que l'eau najis, généralement, on saura la distinguer. On fait le chapitre suivant. Le firq, on va faire un petit peu plus longtemps, hein, parce que déjà, je sais que vous aimez bien, forcément. Et puis, parce que faut qu'on avance dans le livre. Et dit, al-mas'alatu thaniya fil aniya. La deuxième question, le deuxième chapitre, c'est Al-Aniya, c'est-à-dire les récipients. Donc d'abord, on parle de l'eau dans le fir, après on parle des récipients. Pourquoi on parle des récipients? Parce que justement, il y a des récipients qui sont interdits. Est-ce que ça joue sur l'eau ou pas? On va voir. Donc il dit Ta'rif Al-Aniya, définition des récipients, l'ouraten, Al-Aniyatu, Jamalu, Ina. C'est le pluriel du mot Ina. Al-Ina, Ul-Wi'a, Ul-Ta'am, Ul-Sharab. Al-Ina, ça veut dire ce qui contient. Al-Wi'a, ce qui contient la nourriture ou la boisson. Bon, en gros, c'est les récipients. La vaisselle, les marmites, les casseroles, tout ça, ça s'appelle le ina. Wastilahan bidat il ma'na. Et stilahan dans l'istilah, c'est-à-dire dans le langage du fiqh, c'est le même sens. C'est ça qu'on veut dire. Anwa'ul awani. Donc là, le shir, il a dit les différentes sortes de récipients. Mais, je ne vais pas vous mentir, le détail qu'il a fait ici, il n'est pas, il n'y a pas un grand intérêt. Il a cité sept catégories, il n'y a pas un grand intérêt. Vous allez voir pourquoi après. Donc il dit, Al-aniyatu bin-nazari ila zatiha anwa'un. Il dit les récipients, par rapport à leur ila zatiha, à ce qu'elles sont, leur matière, etc. On peut les diviser en différentes catégories. Aniyatu zahabi wal-fidba. Les récipients qui sont faits d'or ou d'argent. Donc ceux-là, on va voir qu'ils sont haram. Al-aniyatu al-mufaddada. Les récipients incrustés d'argent. Al-aniyatu al-mumawwaha. Les récipients, al-mumawwaha, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment on dit en français. Par exemple, imaginez-vous qu'on prend un verre et on le trempe dans l'or. Plaqué. Bah, plaqué, c'est plus... Plaqué, on dit en arabe, il y a le mumawwa, il y a le... Il y a le en fait, il y a beaucoup de noms pour désigner tout ça. Il y a ceux dans lesquels on met des rainures d'or. Il y a ceux qu'on plaque, c'est-à-dire on met des plaques d'or dessus. Il y a ceux qu'on trempe dans l'or. Tout ça, ça rentre dans aniyatu zahabi wal fidba, c'est-à-dire la vaisselle d'or et d'argent. Donc qu'elle soit fabriquée en or ou en argent, ou qu'elle soit plaquée or, trempée dans l'or, incrustée d'or ou d'argent, c'est la même chose. Ceux-là, ils sont interdits. Sauf un cas qu'on va voir par la suite. Ensuite, il a dit Al-aniyatu nafisatu limaddatiha aw san'atiha. Les récipients qui sont nafisa, c'est-à-dire précieux, chers. Limaddatiha, à cause de leur matière, aw san'atiha, ou à cause de la façon dont on les a conçus. C'est-à-dire, ça peut être une matière bidon, mais c'est l'artisanat qui est cher. Parce que c'est quelqu'un de. C'est de l'art, quoi. En gros, c'est une grande. C'est un grand expert qui a fait. Il y a peu de gens qui savent le faire comme lui, etc. etc. Et le matériau, il n'est pas cher. Ou alors, ça peut être parce que le matériau, il est cher. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'aniyatu nafisa? Imaginons si on avait, par exemple, des verres en diamant, en émeraude, etc. etc. Fait avec les pierres précieuses. Ça, c'est licite. À l'unanimité des savants. Malgré que c'est en émeraude. Pourquoi ceux-là ils seraient licites alors que ceux d'or et d'argent sont haram? Parce qu'ils sont tellement rares qu'ils ne vont pas prendre d'eux. Ils ne vont pas prendre l'interdiction. Et ils sont licites. Ensuite il dit Aniyatul Jild. Les récipients faits en cuir. Maintenant c'est rare, mais avant c'était très fréquent. Les gourdes. Ou alors on appelait ça Al-Qirba. Al-Qirba c'était comme une grande gourde. Ou alors l'outre, non, l'outre c'est pas en terre l'outre. Non. Une espèce de grande gourde comme ça. Je sais pas. Ou alors il y avait également Al-Mizad. Al-Mizad, qu'est-ce que c'est? C'était, il prenait par deux grands carrés de cuir et il les coud, ou il les couse l'une à l'autre pour faire un grand récipient de cuir où il mettait beaucoup de coups. Bon, bah, ça s'appelle Mizad. Hein. Bon, il y a différentes sortes. Donc les récipients de cuir. Pourquoi il nous signale ça? On va le voir par la suite. Parce que le cuir, parfois, il peut être pur et il peut être impur. S'il est impur, est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut l'utiliser pour les choses qui ne sont pas liquides, pour les choses qui sont solides. Pourquoi? Parce que ça ne va pas s'imprégner de cette matière. Pour mettre, par exemple, des haricots, des lentilles, etc., etc. Ou une matière comme de l'argent, autre chose. Mais pas dans les liquides. Et si c'est pur, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Quand est-ce que le cuir est pur ou impur? On va le voir après. Aniyatul avn. Il dit les récipients qui sont faits avec les os. Donc si c'est des os d'êtres humains, ça c'est haram sans problème, mais ça n'existe pas. Si c'est des os d'animaux, si l'animal il est pur, vivant, c'est-à-dire l'animal, c'est un animal qui est pur, alors son os, il est pur également. Et si c'est un animal qui est impur, selon la majorité des savants, son os il est également impur. Ensuite, il a dit aniyatun min ghayri ma sabaq kal khasfi wal khashab. et les récipients, donc là il a dit autre que ce qui précède, en céramique, en bois, etc. Donc là c'est pur, il n'y a pas de problème. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le wudu dans des récipients de, parfois de pierre, parfois de cuivre, parfois de bois, etc., etc. Donc maintenant il explique, après nous avoir dit les différentes catégories, il dit Al-hukmu shar'i lil-aniya. Quel est le statut religieux de ces récipients? Qu'est-ce qu'on veut dire par statut? Les halal, haram, makruh, etc. C'est ça qu'on veut dire par le hukm. Kullu ina'in tahirin faminan kana am ghayra faminin. Donc il dit tout récipient pur. Donc il faut qu'il soit pur le récipient. C'est-à-dire dans tout ce qui précède, on enlève les, ceux qui sont impurs. Mais parfois, bah par exemple le cuir, tu ne peux pas dire pur ou impur, ça dépend. L'os, tu ne peux pas dire pur ou impur, ça dépend. Donc il dit tout récipient pur. Famine en kana ou ghayra famine, qu'il soit cher ou pas. Comme je vous ai dit, en émeraude, etc. Yubahu tikhazuhu, on a le droit de. Et tikhazuhu, ça veut dire le prendre, l'avoir. Ça veut dire soit l'acheter, soit par exemple, s'y abandonner, le ramasser, l'accepter en cadeau. Ça, ça s'appelle al-ittikhad. C'est-à-dire, plus ou moins, on peut traduire par le posséder. On a le droit de le posséder. Ou astirmalou, et de l'utiliser. Bon, jusque-là, en fait, c'est évident qu'on a le droit de posséder et d'utiliser des récipients. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Illa aniyat al-zahabi wal-fiddati wal-mumawahi bihima. Ou plutôt, wal-mumawaha bihima. Sauf les récipients d'or, d'argent et ce qui est moumaoua, comme on a dit tout à l'heure, trempé. Mais quand il dit ici moumaoua, c'est un peu réduit. En fait, c'est plus que moumaoua. Il y a le moumaoua, il y a aussi quand c'est incrusté d'or et d'argent. C'est-à-dire parfois, ils font des fentes dans les, par exemple une cruche ou quoi, et ils les incrustent d'or et d'argent. Ou parfois, on va plaquer des plaques très fines d'or et d'argent sur un récipient. Parfois, on va tremper le récipient dans l'or ou l'argent. Donc s'il est fait en or ou en argent, c'est clair. Et s'il comporte de l'or ou de l'argent, également il est haram. Lima rawa Hudhayfatu. Donc là il cite le dalil, c'est-à-dire pourquoi. Lima rawa Hudhayfa, radiallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam a qal, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fiddati. Ne buvez pas dans les récipients d'or ou d'argent. وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا. Et ne mangez pas dans leurs plats, c'est-à-dire les plats d'or et d'argent. صِحَاف, c'est les plats, les assiettes. فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Car elles sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. Pour eux, c'est-à-dire pour les kuffar ici-bas. C'est-à-dire c'est eux qui, c'est leur caractéristique à eux de prendre de la vaisselle en or et en argent. وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Et elle sera pour vous dans l'au-delà. Donc si on dit la confil akhira, ça veut dire qu'ici-bas, elles ne sont pas pour vous, elles vous sont interdites. Muttafaqun alayh. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Quelqu'un, il pourrait me dire, bah, comme certains shuyukh l'ont dit, et c'est une erreur de leur part, bah, le hadith, il nous a juste dit, ne buvez pas et ne mangez pas. Il ne nous a pas dit, ne les possédez pas, ne les accrochez pas au mur. Donc moi, je prends le hadith, et il me dit, ne bois pas, ne mange pas dans les récipients d'or et d'argent. Maintenant, si j'ai envie d'en acheter, les accrocher au mur, les avoir chez moi, faire l'eau avec, il n'y a pas dit ne faites pas l'eau avec, il y a dit ne buvez pas, ne mangez pas. Ben, j'ai le ça c'est la lecture littéraliste du hadith. On dit, il dit ne buvez pas, ne mangez pas. Déjà, dans ce genre de cas, ce qui doit attirer notre attention, c'est que Jamahir ulama, jusque-là, tous les ulama presque, ils ont dit posséder et utiliser les récipients d'or et d'argent, c'est haram. Donc déjà, quand 99% des savants, depuis 1400 ans, ils comprennent un hadith d'une façon, ça doit te... Tu dois penser plus ou moins qu'ils ont raison. Malgré qu'il y ait un, deux ou trois savants qui ont dit le contraire dans l'histoire, et encore c'est récent. Mais même le hadith, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Ils sont pour eux, ici-bas, et pour vous, là on ne parle pas que de manger et de boire, on parle de façon générale. Il a bien dit, ils sont pour vous dans l'au-delà. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? C'est qu'ici-bas, ils ne sont pas pour vous, ni pour manger, ni pour boire, ni pour les posséder, etc. Et on va même dire, parce que ceux qui ont dit ça, par exemple, parmi ceux que vous lirez qui ont dit ça, il y a Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, et avant lui, Mohamed ibn al-Amir al-San'ani, celui qui a écrit Subul al-Salam. C'est un savant du Yémen, un savant du hadith du Yémen, de l'époque de Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Qu'est-ce qu'ils disent comme argument? Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait parler. C'est le plus éloquent des êtres humains. Donc s'il veut dire, ne les possédez pas, il nous aurait dit, ne les possédez pas. S'il nous a dit, ne buvez pas dedans, ne mangez pas dedans, c'est que ça qui est interdit. Mais on peut leur répondre à l'inverse. C'est que justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tellement éloquent que s'il nous avait dit, ne les possédez pas, quelqu'un il aurait pu penser que si c'est pas à moi, je peux l'utiliser quand même pour faire le dos dedans. Donc il nous a dit, ou pour manger dedans. J'ai pas le droit de l'avoir, mais si on me sert un couscous dedans, je peux manger. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ne mangez pas et ne buvez pas dedans. C'est-à-dire que ça t'appartienne ou que ça t'appartienne pas. Et donc tu en comprends tout le reste. Si tu n'as pas le droit de manger dedans et de boire dedans, encore moins tu as le droit de les posséder. Ou de les accrocher au mur, parce que les accrocher au mur, c'est pas un besoin, alors que manger dedans, c'est un besoin. Donc si une chose dont tu as besoin, elle est interdite, ce dont tu n'as pas besoin, c'est encore plus interdit. Donc au contraire, ça prouve son éloquence, sallallahu alayhi wa sallam. Et de toute façon, à la fin, il a bien dit, elles sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. Et qu'est-ce qu'on doit faire si on a par exemple chez nous des fourchettes, des cuillères en argent, des loups? Il faut s'en débarrasser. Même si c'est plaqué. Ouais. Il faut pas, en fait, tu n'as pas le droit de posséder ça. Est-ce que tu peux les faire fondre, etc. Ça, je sais pas. Alors, est-ce que tu peux t'en débarrasser ou tu as le droit de les vendre, par exemple? Les vendre, non, parce que c'est quelque chose d'illicite. Donc je le jette à la poubelle. Non, attends, peut-être que tu peux les faire fondre, on va regarder. Non, c'est cher quand même. On va regarder, Inch'Allah, peut-être qu'on peut les faire fondre, je sais pas. La réalité, je sais pas, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vrai qu'ils disent c'est interdit, mais j'ai pas lu comment s'en débarrasser. Donc ensuite, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas précisé ici, c'est que il y a une exception qui est faite. C'est, ils disent, « Illa al-mubabbad bifibbatin » l'ihaja. Sauf al-mubabbab. Al-mubabbab, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le récipient qui a une babba. Pour ça, vous allez me dire, c'est pas extrêmement intéressant pour nous, ça ne nous concerne pas, mais c'est dans le fiqh, on le lit. C'est-à-dire un récipient qui s'est cassé ou qui s'est fissuré, et on va lui mettre une babba. Babba, c'est quand on comble, en fait. Mais à condition que cette babba, elle soit d'argent. Si c'est en or, c'est haram. Si c'est en argent, c'est toléré, l'ihaja. Et si on en a besoin. C'est-à-dire si c'est pour faire beau la babba, c'est pas bon. Il faut que ce soit pour un besoin, comme combler une fissure ou réparer le. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que dans le hadith de Anas ibn Malik disait que il a dit in kasara qadahun nabi sallallahu alayhi wa sallam, le verre du prophète en arabe, il a dit qadah. Qadah, c'est un verre pour une personne. Le verre du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est cassé. فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشِّعْلِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. Donc à l'endroit de la fissure, pour le réparer, il a mis de l'argent. Donc de là, ils ont retiré les fuqaha. Ça prouve que si c'est pour un besoin, si c'est de l'argent, et si c'est dabbatun yasira, un petit peu d'argent, avec ces conditions-là, c'est permis. Et encore, ils disent, mais si c'est à l'endroit où tu bois, c'est makruh. Parce qu'Abdallah ibn Omar, il le détestait. Il disait que c'était déconseillé et il buvait à un autre endroit. Vous voyez à quel point c'est précis le fiqh. Autre chose, donc il dit ensuite. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit. وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ. Il dit ce qu'il est interdit d'utiliser, il est interdit de le posséder. عَلَى هَيْئَةِ الْاِسْتِعْمَالِ. De le prendre pour le posséder, pour l'utiliser. كَآلَةِ الطَّرْبِ وَالْمِزْمَارِ. Comme les instruments de musique. En fait, il veut nous dire par là, s'il nous interdit de les utiliser, c'est qu'on n'a pas le droit de les posséder, comme c'est le cas pour les instruments de musique. L'instrument de musique, si c'est interdit d'utiliser, tu n'as pas le droit non plus de les acheter, de les posséder. Ensuite, il dit, وَيَسْتَوِي فِي النَّهِ عَنْ ذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ. Ça, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il dit, et ceci est égal pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire, on sait que les femmes, par rapport à l'or, elles ont des permissions par rapport à l'homme. Mais pas dans ce cas-là. Pour ce qui est de la vaisselle, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de besoin particulier aux femmes de les utiliser. وَلَا يَنْجُسُ شَيْءٌ بِشَكِّ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ يَقِينًا لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةَ. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une règle très importante. Il dit, rien ne devient impur juste avec le doute. tant qu'on n'est pas sûr de son impureté. Car la base, c'est la pureté. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, peut-être c'est devenu impur, peut-être ceci, peut-être cela. La base, c'est que c'est pur. Tant que je ne suis pas sûr que la chose a été touchée ou salie ou souillée par une impureté. Et de là, on comprend le takalluf et la mashaqqa des gens, des juhel. C'est-à-dire les gens qui n'apprennent pas leur religion. Vous avez tous parlé avec des gens comme ça, ou peut-être nous-mêmes on était comme ça avant. Regardez parfois la difficulté qu'ils se mettent pour le sol dans la prière, ou le vêtement. Parfois ils se rendent fous au point de ne pas prier. Alors que faire sortir la prière de l'heure, c'est un des plus grands péchés en islam. Et pourquoi il sort la prière? Parce qu'il dit, ouais, mais là c'est un peu sale, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, ou des bêtises comme ça. Tout ça, ça relève de l'ignorance. L'ignorance dans la religion, c'est ça souvent qui fait que tu vas exagérer dans des points, et tu vas être pointilleux là où tu n'as pas à être pointilleux. Sur ça, il rapporte un phare de Omar ibn al-Khattab, il marchait avec quelqu'un, et il y avait une gouttière. Et il y a du liquide qui est tombé de la gouttière sur l'épaule, ou enfin sur le vêtement de celui qui était avec Omar ibn al-Khattab. Et donc il a demandé à la personne dont c'était la maison, est-ce que ce qui a coulé c'est pur ou c'est impur? Et Omar ibn al-Khattab lui a dit, la tukhbiru, ne lui dis pas. Parce qu'à la base il n'a pas à demander. C'est-à-dire que par exemple tu es dehors, tu as une flaque ou une matière quelconque, paf, qui tombe ou tu marches dedans et ça éclabousse ton pantalon. Est-ce que tu dois te dire, bon, je vais analyser, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est impur, tiens, ici on est là, peut-être il y a un chien, peut-être. Non. Tu traces et tu dis, la base c'est que c'est pur. Tant que ça ne t'apparaît pas comme étant impur, eh bien la base c'est que c'est pur. Par exemple, tu marches dans quelque chose, hop, ça éclaboue, et tu sais pas, est-ce que c'est de la boue, est-ce que c'est un excrément, c'est de la boue, et c'est pur. Allez, tu continues. Donc imaginez-vous la simplicité et la facilité. Et vous observerez que les ignorants, ils sont au contraire de ça. C'est-à-dire des choses pures, eux là-bas, c'est l'impureté. C'est-à-dire n'importe quoi qui, ah, il faut que je nettoie, c'est impur, ma salat, ta salat, elle n'est pas valable. Et même, ils font le fatwa. Ils vont, sans hésiter, ils vont dire à quelqu'un, ah, ta prière, elle n'est pas valable. Hein. T'as prié avec ceci, t'as prié avec cela. Et souvent, ils le disent même pour des choses qui sont sales, mais qui ne sont pas une najasa. Il faut faire la différence, encore une fois, entre une najasa et la saleté. La saleté, ça, de toute façon, la saleté, d'une société à l'autre, ça change. Ce qui pour nous est super sale, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était normal parce que bah, ils n'avaient pas le choix. Ils vivaient, il y avait plein de sable, il y avait plein de terre, il n'y avait pas de l'eau partout. Donc peut-être que nous, parfois, on les aurait vus prier, les ignorants de maintenant, ils auraient dit, eh, votre prière, elle est fausse. Pour les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que bah, ils vivaient avec les chameaux, ils vivaient avec les ânes, ils vivaient avec les chèvres. Forcément, il y a de l'urine, il y a des excréments, il y a de la terre. Donc ils peuvent pas, ils n'avaient pas le robinet comme nous, tu l'ouvres et tu peux nettoyer à chaque fois. Donc il faut avoir cette règle de base. La règle de base, c'est al-bara'a, c'est-à-dire que tu es débarrassé de la pureté tant que tu n'es pas sûr du contraire. Et tu n'as même pas à demander, tu n'as même pas à chercher. Imaginez-vous, l'eau elle est tombée de la gouttière, Omar il lui a dit ne lui dis pas. C'est-à-dire que déjà à la base, il n'avait pas à demander. L'eau elle tombe, il se dit c'est de l'eau, tant que je ne suis pas sûr du contraire, ben, je continue mon chemin. Donc là, on voit un des sens de inna dina yusrun. Les gens, ils croient que la religion, elle est difficile. Certes, dans la religion, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'esprit de la religion, il est simple, il n'est pas compliqué. Je vous cache pas que moi, le faire, j'aime bien, en fait, j'ai envie de continuer. Est-ce que vous voulez qu'on termine les l'aniya? On n'a pas fait le cuir, il n'y a pas le cuir. Ah si, ça vient après. Bon, ça fait quand même, ouais, non, ça fait longtemps, ça fait 40 minutes, on a fait le fiqh. On va passer au hadith. Alors, le hadith, on est arrivé, enfin, on est toujours dans le premier hadith. Haqqul muslimi ala muslimi sittun. Donc, je vous cache pas que l'explication des hadiths, ça va être plus bref. Ça va être plus bref, parce que généralement, les hadiths, ils sont assez simples. Donc nous étions au hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستون. Le droit du musulman vis-à-vis du musulman sont au nombre de 6. إذا لقيته فسلم عليه. Quand tu le rencontres, salue-le. Salim, c'est-à-dire dis-lui assalamu alaykum. Et mieux que ça, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et mieux encore, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et selon la majorité des ulama, ça s'arrête là. C'est-à-dire ce que vous pourrez lire dans certains hadiths, wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, c'est rapporté dans certains hadiths, mais selon la majeure partie des ulama, ça c'est faible. Et c'est pas connu et c'est pas authentique. Wallahu a'lam. Le connu, c'est que le maximum c'est wa barakatuh. Donc ça c'est un droit du musulman vis-à-vis du musulman. Est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire? Selon la majorité des savants, et Ibn Abdelbar il dit que c'est un ijma, c'est un consensus, c'est fortement recommandé. Quand tu croises un musulman, de le saluer en premier, mais ce n'est pas une obligation. Comme quoi, parfois, il faut les hadiths, il faut bien les comprendre. Parce que de premier abord, quand tu dis « haqqul muslim », le droit du musulman, qu'est-ce que tu en comprends? C'est que c'est des obligations, et pourtant, c'est des choses qui sont fortement recommandées. Quelqu'un pourrait me faire une objection, qui serait de dire « ouais, mais le hadith, il dit le droit du musulman sur le musulman. » De quel droit tu peux nous dire que ce n'est pas obligatoire? Quelle est ta preuve pour nous dire que ce n'est pas obligatoire? A votre avis, la réponse à ce moment-là, c'est quoi? C'est l'ijma. Si tous les savants, depuis 1400 ans, ils en ont déduit, ils ont compris, et ils se sont transmis de génération en génération, que le hadith, il ne voulait pas dire que c'est obligatoire, c'est que ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas mieux comprendre, nous, d'un seul coup, arriver et mieux comprendre que tout le monde. Donc si depuis 1400 ans, ils ont dit... En fait, ça signifie que c'est fortement recommandé. Ben, c'est que c'est fortement recommandé, point. On s'arrête là. Donc c'est fortement recommandé, on en avait parlé. Quant à la réponse, elle est obligatoire. Et ça, on en reparlera quand on étudiera les hadiths sur le salam. C'est quel chapitre? C'est le premier hadith. Chapitre de généralité. C'est le même hadith que la semaine dernière. C'est quoi le livre? Ça, c'est Boulour. Ah ouais, c'est peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là. Boulour al-Maram. Là, je ne sais pas comment le traduire. Oui, j'ai lu en trois volumes. Ouais, c'est bien. En trois volumes, il est bien, parce qu'il y a des explications avec. Bah, ça vous fait réviser. Peut-être qu'il y a des trucs que moi, je n'ai pas dit dans le cours. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont contredire ce que j'ai dit. Comme ça vous... Bah, voilà, vous voyez plusieurs choses, plusieurs avis. Celui en trois volumes, bon, je ne l'ai pas lu, hein, mais tous les gens qui l'ont lu, ils m'ont dit qu'il était vraiment bien fait. Et puis, il y a le simple en un seul volume, où il y a juste les hadiths. Ensuite, il dit « وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ » Et lorsqu'il t'invite, ici da'a, ça veut dire appeler, mais le sens ici c'est inviter. Et quand il t'invite, réponds à son invitation. Et selon la majorité des ulama, ça c'est obligatoire quand c'est une invitation à un repas de mariage. Pas quand c'est une invitation à un repas classique. Si ce n'est que bien sûr tu dois te désister, tu dois t'excuser. Donc ça fait partie de la bienfaisance envers ton frère, c'est que lorsqu'il t'invite, tu réponds. Et ça montre aussi la modestie du musulman, parce que parfois ça peut être quelqu'un, toi tu peux être par exemple le maire, et ça peut être un simple citoyen qui t'invite, ben tu dois répondre, et c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à tous ceux qui l'invitaient, même des pauvres, même des esclaves, etc. Comme la grand-mère de Anas, elle vivait seule, elle avait Anas et un orphelin avec elle, et un jour elle a invité le prophète à manger, sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez-vous le prophète qui doit gérer les musulmans, il doit gérer les guerres, il doit gérer tout ça, la zakat, il doit gérer les prières en commun. Eh bien, il a répondu. Il est allé chez la grand-mère et il a mangé avec eux. Après, il leur a fait une dua, il a prié, il a fait une prière collective sur les rogatoires avec eux, avec la grand-mère, Anas et un orphelin. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ. Et lorsqu'il te demande nasiha, c'est-à-dire conseil, فَانْصَحْهُ. Conseil. Et un nasiha, en arabe, ça pas simplement le conseil. C'est le sens aussi, quand on dit que tu es nasir, c'est-à-dire que tu es sincère envers quelqu'un. Là, tu veux son bien. Donc, fansahou, ça veut dire conseille-le comme si c'était toi. Conseille-le sincèrement. C'est pas un conseil vite fait pour te débarrasser, ou par complaisance. Conseille-le comme si toi, tu demandais à quelqu'un qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais qu'on te conseille. Ben, fais la même chose avec lui. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ. Et lorsqu'il éternue, et فَحَمِدَ اللَّهَ, et dit Alhamdulillah, فَسَمِّتْهُ, et dans d'autres riwayas, c'est فَشَمِّتْهُ. Et le sens, il est le même, c'est-à-dire, fais dua pour lui. Quelle est cette dua en l'occurrence? C'est de dire, يَرْحَمُكَ اللَّهَ, comme on le verra dans un hadith plus tard. Et ils disent que سَمَّتَ, ça vient de السَّمْت, qui veut dire الْإِسْتِقَامَ, à la droiture. C'est comme si tu invoques pour la droiture de cette personne et de toute sa situation. Et Shamito, ça vient de Ashamata. Ashamatatu, qui est un sort, qui est un mot négatif. Shamata, ça veut dire le fait que les ennemis, ils se réjouissent de ton malheur. Donc Shamito, c'est-à-dire fait de A pour que les ennemis ne puissent pas se réjouir de son malheur. En fait, ça veut dire repousse de lui Ashamata. Et parfois, donc, ça arrive que le fait de repousser quelque chose en arabe, il soit sur le modèle de fa'ala ou bien tafa'ala, comme dans le hadith avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yatahannath. Il allait dans la grotte, yatahannath. Alors que le hinf en arabe, c'est quoi le hinf? Le péché. Donc qu'est-ce que ça veut dire yatahannath? Et ça veut dire il repousse de lui le péché. Parfois le modèle tafa'ala en arabe, il veut dire repousser la chose. Alors que quand tu lis une première fois, tu peux croire qu'au contraire, c'est faire la chose. Donc, shamitou, c'est-à-dire repousse de lui, shamatatul a'la, le bonheur de ses ennemis. Comment? Bah parce que tu vas lui dire, yarhamukallah. Tu vas implorer pour lui la miséricorde. Ça également, c'est obligatoire, et selon la plupart des savants, c'est obligatoire, et un effort kifa'i. C'est obligatoire au groupe. C'est-à-dire, si une personne dit, éternue et dit alhamdulillah, c'est pas chaque individu présent qui est obligé, mais si une personne le fait, ça suffit. Ça, c'est selon la majorité des fuqaha. Et si tout le monde veut lui dire, il n'y a pas, bien sûr, c'est bien, il n'y a aucun souci. Et quand il tombe malade, conseille-le, visite-le. Udhu, c'est l'iyada. L'iyadatul marid, la visite du malade. Donc, ça, c'est un des droits du musulman vis-à-vis du musulman. Est-ce que c'est une obligation? Ça peut atteindre l'obligation quand il s'agit, par exemple, du père, quand il s'agit de ta mère, quand il s'agit de ton frère, là ça atteint l'obligation. Maintenant, si c'est simplement une connaissance ou un ami, là c'est soit on peut dire que c'est fortement recommandé, et beaucoup de savants disent également que c'est un fard kifai, c'est une obligation communautaire. C'est-à-dire que si un musulman tombe malade, c'est une obligation au groupe des musulmans qu'il y ait au moins une personne qui arrive lui rendre visite. Et également, il est bon de savoir que visiter le malade, c'est vrai aussi pour le malade qui va en coma, qui a perdu connaissance. C'est pas pour que pour celui qui est éveillé. Pourquoi? Parce qu'un des buts de la visite du malade, c'est pas seulement, il y a le fait de le réconforter, de lui tenir compagnie, mais il y a aussi prier pour lui. Et prier pour lui, il n'a pas besoin qu'il entende et qu'il voit. Donc on peut visiter les malades, par exemple, qui sont dans le coma, qui ont perdu connaissance. Et lorsqu'il meurt, suis-le. Ça veut dire, suis son convoi funéraire, suis sa dépouille. Donc qu'est-ce que ça veut dire, suis-le? C'est-à-dire que tu fais salat al-janaza, la prière mortuaire, avec le groupe des musulmans pour lui, et après tu suis sa dépouille, ou voire tu la portes, jusqu'à ce qu'on l'enterre. Et quand on termine seulement de l'enterrer, tu repars. Ça, c'est un des droits du musulman vis-à-vis du musulman. Et encore une fois, ça c'est un fard kifai, c'est-à-dire c'est une obligation qui est un groupe, qui est un combat au groupe des musulmans. C'est-à-dire que quand un musulman meurt, il est obligatoire au groupe des musulmans qu'il y ait des gens qui le fassent. C'est-à-dire qu'ils prient pour lui, qu'ils fassent la prière mortuaire, qu'on appelle salat al-janaza pour lui, qui l'emmène, qui le lave et qui l'enterre. Donc ça, ça fait partie des droits du musulman vis-à-vis du musulman. Et bien sûr, plus le musulman est proche de toi en tant qu'ami, que connaissance, plus ses droits ils sont forts. Jusqu'à parfois atteindre l'obligation. Rawahu Muslim, ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc je regarde si j'avais rien oublié dans ce qu'on devait dire. Ici, le cheikh, par exemple, il a dit que, il a cité quelque chose d'intéressant dans les secrets, entre guillemets, les bénéfices du fait de dire Yarhamukallah à quelqu'un. Qu'Allah te fasse miséricorde. Il dit en fait, quand tu dis à quelqu'un qu'Allah te fasse miséricorde, quelque part tu le rappelles à être modeste. Tu lui rappelles qu'il a besoin de la clémence d'Allah. Et donc ça lui rappelle quelque part la modestie et ça casse son orgueil. Ça c'était une des choses intéressantes qui était citée dans le livre. Donc on passe au hadith suivant. Le hadith suivant, il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète a dit: انظروا ila man hada asfala minkum. Regardez ceux qui sont en dessous de vous. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Fa huwa ajdaru. Ceci est plus à même. Alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah à votre égard. Muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En fait, ce hadith, il nous montre la mentalité et le mode de vie, la méthodologie que doit avoir le musulman par rapport à la vie d'ici-bas et aux belles choses, aux bienfaits de la vie d'ici-bas. Donc il nous dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous. En dessous dans quel sens? Du point de vue de la maison, la voiture, l'argent, la santé. Tous les bienfaits de la vie d'ici-bas. Eh bien, il faut toujours que tu regardes ceux qui ont moins que toi. Et il ne faut pas regarder ceux qui ont plus que toi. Parce que quand tu vas regarder ceux qui ont moins que toi, tu vas te rendre compte de l'ampleur des bienfaits d'Allah sur toi. Et tu vas te rendre compte à quel point ces petites choses que tu vois comme n'étant rien du tout, à quel point elles sont chères. Comme la santé, par exemple. Comme le temps libre. Comme l'argent, même si tu n'en as pas beaucoup. Comme la nourriture, même si tu en as peu. Ben, quand tu regardes les gens qui en ont moins, par exemple, nous, si on regarde les pays, notre pays, on va se rendre compte que ce qu'on a, parfois on se plaint. On se plaint par rapport à notre situation dans notre société à nous. Mais si tu regardes à l'échelle du monde, on est les plus gros des pachas en vérité. On mange tous les jours jusqu'à comme on veut, on boit comme on veut, on dort dans des bons lits, on a des maisons, on a du chauffage, on a tout ce qu'il faut en vérité. Peut-être que si on regarde à l'échelle de l'histoire humaine, notre niveau de vie... Auparavant, il y avait des pharaons ou des rois qui pouvaient se le permettre. Peut-être que des rois auparavant, ils auraient rêvé d'avoir des robinets où on fait ça et on a de l'eau chaude qui coule. Puis pour nous, c'est normal. Donc il faut savoir regarder ceux qui sont moins dotés que toi, moins chanceux, entre guillemets, que ceux à qui Allah a destiné moins de bonnes choses. Et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Pourquoi? Parce que si tu regardes ceux qui ont plus, ça va t'attrister. Tu vas être triste pour rien. Ça va te fatiguer, parce que tu vas vouloir courir après tout ça, puis tu peux le gagner comme tu peux ne pas le gagner, et puis tu vas zapper, et tu vas éclipser des choses qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus intéressantes. Et puis, ça peut aussi te rendre jaloux. À force de cogiter sur celui qui a alors que toi t'as pas, tu peux devenir jaloux de cette personne. Et tu peux commencer à lui souhaiter du mal, et tout ça c'est des maladies du cœur, dont le musulman il doit être protégé, il doit être loin et à l'abri. Donc, en fait, en deux mots, il nous a vraiment appris énormément de choses. Parce que ça, c'est des choses qui ont beaucoup de bénéfices. Et le fait de faire le contraire, ça a beaucoup de mauvaises conséquences. Notamment le fait de négliger les bienfaits d'Allah, de ne pas les considérer. Alors que quand tu regardes ceux qui sont en dessous, tu peux devenir parmi les reconnaissants, à Shakirim. Parce que tu vas te dire, Alhamdulillah, je remercie Allah de tout ce qu'il m'a donné. Et Allah dit dans le Coran, la in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous en rajouterai. Alors que si tu renies les bienfaits d'Allah, ça peut être que à ton encontre. Ça ne peut pas avoir une bonne conséquence. Aussi, l'autre chose qui est important de dire ici, c'est que ça concerne les choses de la vie d'ici-bas. Maintenant, en ce qui concerne le savoir religieux, la pratique religieuse, le niveau de foi, le niveau de religion, là c'est le contraire. Il ne faut pas que tu regardes ceux qui sont en dessous. Parce que si tu regardes ceux qui sont en dessous, tu vas te reposer sur tes lauriers et tu vas te sentir comme ça y est, je suis un élu ou je suis je ne sais pas quoi. Donc il faut toujours regarder ceux qui sont au-dessus. Comme ça tu te rends compte que tu n'es rien du tout, tu ne connais rien. Les efforts que tu as faits, ils sont méprisables. Et donc ça va te pousser à toujours en faire plus et à ne pas être orgueilleux, à toujours rester modeste. Donc là, il a cité une parole de Al-Hassan al-Basri qui disait « إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ فِي خَيْرٍ فَنَافِسْهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فِي هَلَكَةٍ فَذَرْهُمْ وَمَخْتَارُوا » Il disait « Quand tu vois les gens dans le bien, concurrence-les. Ils essayent de faire comme eux ou mieux qu'eux. Et si tu les vois « فِي هَلَكَة » c'est-à-dire qui courent à leur perte, laisse-les avec ce qu'ils ont choisi. » C'est-à-dire, commence pas à te dire « Ah, regarde, les gens, ils sont pourris, moi, je suis bien, etc. etc. » Laisse-les et ne pense pas à eux. Regarde ceux qui sont dans le bien. Donc, il faut toujours lire, par exemple, la biographie du prophète, les biographies, les savants, les compagnons du prophète, comment ils étaient, que ce soit du point de vue de leur savoir, les sacrifices qu'ils ont fait pour apprendre, tout simplement apprendre la religion, quelle était la quantité de leur savoir, comment était leur pratique, à quel point ils mettaient en pratique ce qu'ils savaient. Et quand tu regardes tout ça, ben ça te pousse vers le haut. Tu as envie de progresser, tu as envie d'apprendre, tu as envie de mieux pratiquer. Et puis ça te remet à ta place. Tu te rends compte que toi, tu es un musulman parmi tant d'autres, tu n'as rien fait de spécial. Et tu n'as pas un niveau de foi ou un niveau de religion extraordinaire. On s'arrête là, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Je vais faire.